je vais faire et que je ne ferai pas. Fait que là, suivez-moi jusqu'au bout, là. Vous avez pas le droit de quitter... Je sais que des fois que vous m'écoutez, puis vous partez en plein milieu, mais là, vous avez pas le droit parce que vous allez passer des choses. Non, sérieux, ça va pas bien, là. On a rien, ça, on a absolument rien. Et on souffre un peu d'un manque d'effectifs, là. J'osais hier avec mon producteur Mathieu. On se parle le soir, bon, on travaille fort, bon, on met des heures, moi, tout seul. Là, il manque du monde. Le monde sont en vacances. Et ils sont pas remplacés. Qu'est-ce que c'est ça? Alors moi, mon plan aujourd'hui, sérieux, devait péter une coche. Pas en ondes, parce que ça se fait pas en ondes. Mais vu que je le ferai pas, moi, vous le comptez en ondes, parce que j'ai un autre plan. Mon plan B, dont je vais te parler, Catherine. Je sais que t'es pas au courant, là. Non, personne pas du tout. Je te regarde avec des yeux personne. De chevreuil dans le parc, puis je me demande où tu t'en vas. Mon producteur a chaud, puis le réalisateur seulement. Suivez-moi bien jusqu'à la fin. Non, sérieux, devait péter une coche ce matin. Là, je t'ai curé, là. Moi, là, je suis rentré, la résolution 2014, le couteau entre les dents. Tu sais, vous le savez que la station, là, on a déjà été plus fort que ça. Faut revenir motivé à mort. Go, go, go. Faut travailler plus fort. J'adore le message qu'Alexandre Bilodeau arrête pas de dire à TV, là, en parlant de lui était voisin avec Gaétan Boucher. Alexandre Bilodeau, c'est le skieur acrobatique, les boss, tout ça, il s'en va à Sochi. Lui, son voisin, c'était Gaétan Boucher. Puis Gaétan Boucher, il disait toujours, tu sais, Alexandre, il dit, être le meilleur, c'est facile. Faut juste que tu travailles plus fort que les autres. Je trouve ça bon comme phrase. C'est une contradiction. En voulant dire, ben oui, c'est facile. Faut que tu travailles plus fort que tout le monde. Fait que si j'écoutais ça pendant le temps des fêtes en masse, ça passe partout, RDS. Là, je rentre, go! Hein? Faut travailler. Et là, j'apprends que Bernie est pas là. Mathieu Boivin est pas là. Ils vont pas remplacer. Et on va être seul, là. On manque de monde, là. Fait que mon plan A, c'était ça. Moi, je rentrais dans le bureau du boss ce matin avec respect. Je les respecte beaucoup. Je sais que c'est pas facile pour personne. Il y a toutes sortes de situations, puis tout. Mais là, moi, je mettais le point sur la table. Hey! Là, on est pas une émission, là. Là, qu'on soit numéro un, là. Ouais, puis la grosse équipe, les affaires, que c'est ça? On est seule chose. Il y a d'autres shows que même quand il manque de monde, ils les prennent dans le matin. Là, on peut-tu, là? Il en manque deux, là. Peux-tu juste les remplacer? Et finalement, je le fais pas. Aucun. Je suis zen, je suis super content. Je me suis dit, sois donc positif. Tu sais, les boss, ils nous répondent souvent, soyez proactifs, arrêtez de chialer, puis trouvez des idées. Ben, c'est ça que je fais à matin. Alors, je vous annonce que vu qu'ils remplacent pas mon monde quand ils partent, ils sauvent de l'argent. Au moins, là, on a deux salaires qu'on sauve cette semaine. T'es d'accord avec moi? Ben non, c'est des payes de vacances. Non. Théoriquement, il aurait dû être remplacé. OK. OK, bon, oui. On est pas un petit show, là. Bon, vous voulez qu'on soit une grosse radio, la radio numéro un, tout ça, c'est ça que vous voulez? Alors, quand quelqu'un part, comme dans tous les autres shows, tu le remplaces. Raison de plus quand tu en as deux. Bernie, en passant, Mathieu, vacances méritées, ça travaille fort. Je suis vraiment content pour eux, je conteste aucunement ça. Les deux auraient dû être remplacés cette semaine. Es-tu d'accord avec moi? Parce Mathieu, que oui. Dan, êtes-vous d'accord? Pas tout seul, là? Bon, appuyez-moi, là. Parce que tu sais bien ce que je fais, là. Je prends le salaire. On s'entend? Je calcule à peu près combien on sauve, puis j'ai un voyage dans le sud pour deux personnes à donner à celui ou celle. Et là, check bien mon plan. Hein, vous trouvez ça bon? Hein? À celui ou celle qui est capable d'embarquer dans le Jeep à Bernie, non? Non. Mais je fais appel à vous autres. Sérieux, là, on arrache un peu. Là, je suis honnête et transparent. Il est 8h11. D'habitude, j'ai un gros sujet. Puis je blâme pas Mathieu Boulay. Je veux pas commencer. Écoute, tout le monde travaille fort dans l'équipe, OK? Pis je dis pas que la direction, eux autres, travaillent pas fort, mais là, je sais pas. Moi, j'ai pas de monde, là. Alors, j'ai pensé à ça hier, je connais pas le salaire ni à Bernie, ni à Mathieu Boivin, mais que les charges sociales pis tout, s'ils m'avaient remplacé ces deux-là, comme ils font dans les autres shows, s'ils avaient remplacé ces gens-là, c'est l'équivalent d'un voyage dans le sud pour deux. Je suis sûr. Fais le calcul, Catherine, là. Ils gagnent pas 30 000, là. Je sais pas combien ils gagnent, mais c'est pas 30. OK? Donc, avec les charges sociales toutes, une semaine de salaire, j'ai mon voyage. Et c'est ça qui tu le donnes? Non. Que, donc, là, je vous annonce que, suivez-moi bien, là. Pis c'est ceux qui vont me baquer. Ils lâcheront pas là-dedans, rien, non. Alors, il y en a un ou deux, mais il y en a un qui va le gagner, ça peut être pour deux, là, qui la semaine prochaine, peut-être ça va être dans l'autre semaine, mais essayer pour la semaine prochaine fort, crisse son camp dans le sud. C'est-tu correct, ça? Mais là, vous allez travailler pour moi. Parce que j'ai besoin d'aide. Donc, je vous transforme tous en recherchistes éventuels. Je donne mon prix d'un voyage dans le sud pour deux. Là, vous avez pelleté hier, vous êtes pogné dans la glace, le toit, les égouts, la marde. Ça peut pas mieux tomber, là. Parlez-en autour de vous, là. On aimerait ça tous vous envoyer, mais vous avez tous la chance de partir dans le sud la semaine prochaine. Mais vous devez me booker de quoi? Booker une entrevue. Pas nécessaire. Ouais. Une entrevue la plus haute. Je donne le prix à la personne qui me trouve. Et là, c'est bien large, OK? Mais ça? Soit l'entrevue, soit le témoignage, soit l'histoire, soit l'enveloppe brune. C'est catégorie at large, la plus haute. J'ai pas de monde, il manque de bras, m'en manque deux, les boss vont m'adorer, ils vont tous me serrer la main. Je suis sûr qu'il y en a un qui appelle pour dire quelle bonne idée, j'embarque, oui, sûrement, suite, n'attendez pas, laissez-moi pas sous pression. Je suis sûr qu'ils vont aimer ça, je chiale pas, je pète pas de coche, j'appelle pas à Montréal, j'envoie pas d'email à Montréal, il y en a d'autres qui font ça. Moi, je fais rien de ça. Hein, ris pas, là, je fais rien de ça, je suis positif, moi. Mais je veux gagner, OK? On a besoin d'aide. Alors, je me dis, pourquoi pas se tourner vers les auditeurs? Yes, il doit avoir, puis là... Écoutez-moi bien ce que je veux, il y en a peut-être qui décrochent déjà en disant « Bouh, tu oublies ça, j'ai pas de contact, j'ai rien, qu'est-ce que tu fais là? » Ça marche. Ça peut être n'importe qui. C'est pas un appel à la vedette. Gilles a déjà fait un concours du genre qui avait été très bon, j'avais adoré ça, qui c'était la personne qui me book la plus grosse star qui va appeler, tu t'en souviens, t'étais là. Mm-hmm. C'est bon, ça c'était super. Howard Stern fait ça chaque année, OK? Who do you know famous? Voilà, c'est un peu lui qui a le concept, puis je m'en inspire un peu, je l'avoue. Mais moi, je veux pas une star ou une vedette. Si c'en est une, quoi, s'il y en a un qui me book Madonna, d'après moi, il gagne, OK? Mais ça arrivera pas. Par contre, ça peut être juste une histoire. Ça peut être un no-name. La personne va peut-être dire salut. Gars Butch, moi là, je veux que tu parles à cette personne-là, je la connais. Elle a vécu de quoi d'exceptionnel. Ça peut être un drame, ça peut être une belle histoire inspirante. Gars, juste dans le journal le matin, il y a un gars qui pesait 450 livres, il est rendu un triathlète. Jimmy. Il fait des triathlons, mais l'histoire est connue, lui on le connaît. Mettons que cette histoire-là est jamais sortie, le gars il m'appelle, dit Butch, m'a le gagné ton affaire. C'est entrevue, témoignage ou dossier le plus hot. Je veux juste hot dans le sens intéressant, pertinent. Ça peut être donc quelqu'un que le public ne connaît pas, mais je sais pas, il est arrivé un drame. Il est arrivé... Hier, là, je pensais à des exemples, je vais vous en donner, mais je veux pas vous mélanger puis vous intimider en disant « Ah, oh, un peu, là, ça va être trop hot, je participerai pas. » C'est at large.